Voilà donc, bien, si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble pour le jeudi toute l'après-midi. Et puis, merci pour ce matin avec Lolo, disons, Noël, avec l'émission entre 9h jusqu'à midi, que vous allez le retrouver la semaine prochaine. Et puis, comme vous avez pu entendre juste un son rock voisine avec son titre Hélène, et bien, voici avec une chanteuse qui s'appelle Hélène, avec de ses titres Les années passent. Et puis suivi par Dantel, et puis suivi par d'autres chanteurs et chanteuses. Les années passent, le temps efface les souvenirs de nos beaux jours. Quoi que l'on fasse, on perd la trace de nos sourires, de nos toujours. Et pourtant, moi, je voudrais te dire que jamais je n'ai oublié ce bel été où l'on s'est rencontrés. Les années passent, nos cœurs se lassent de trop d'espoir abandonné. Nos cœurs se glacent, il faut faire face et enfin voir la vérité. Et pourtant, moi, je voudrais te dire que jamais je n'ai oublié cette tendre nuit où tu m'as dit c'est pour la vie. Nos illusions, nos déceptions, le temps nous aide à les effacer. Mais les bons souvenirs, nos rires et nos sourires, il faut pour toujours les garder. Les années passent, le temps efface les souvenirs de nos beaux jours. Quoi que l'on fasse, on perd la trace de nos sourires, de nos toujours. C'est pour ça que je voudrais te dire que jamais moi je n'oublierai qu'on a juré qu'on s'aimerait à tout jamais. Je te promets, je t'aimerai à tout jamais. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Et on continue du côté des chansons, tout simplement. Et bien, je vous laisse avec Roland, qui aime bien le soul. Et puis, juste après le zouk, bien, voici donc du côté de ces chansons. Don't want work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are.

Será que nos quiso errado? Tempo já muda. Será que nunca te compreendi? Coisas já muda. Mais au fond de toi, une voix se fait entendre. Tu te rappelles que t'es bien plus grand, plus vrai à comprendre. C'est ta vérité, celle qui brûle en toi. Ta flamme unique, ton propre et moi. N'aie pas peur de la montrer, de la crier bien haut. C'est ce qui te rend vivant, ce qui te rend si beau. Tu doutes encore, tu hésites, tu sais. Les regards des autres pèsent sur tes choix, c'est vrai. Mais leur avis n'est pas ta boussole. Seul ton cœur connaît la route, la mélodie qui te console. Tu caches tes peurs, tes failles, tes envies derrière un masque, une fausse harmonie. Mais au fond de toi, une voix se fait entendre qui te rappelle que t'es bien plus grand, plus vrai à comprendre. C'est ta vérité, celle qui brûle en toi. Ta flamme unique, ton propre et moi. N'aie pas peur de la montrer, de la crier bien haut. C'est ce qui te rend vivant, c'est ce qui te rend si beau. Et tu verras, le monde changera de couleur quand tu oseras être toi sans peur. Car c'est ta vérité, ton plus beau cadeau. Alors porte-la fièrement et vole plus haut. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et bien, je vous laisse avec Léo, puis suivi de Mireille Mathieu, et puis suivi après de Pierre Bachelet. après jour où j'avais forgé d'amour à mon avec toi. Incroyable, un impartageable monde fait toi, fait de joie et d'amour. Et notre ciel était clair et sans pareil. La poussière à nos pieds semblait de l'or. La moindre lueur. Ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix crie je t'aime. Ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix crie je t'aime. Jour après jour, j'avais forgé d'amour. Si belle, si belle, tu t'en souviens. Je t'appelais si belle, si belle, tu aimais bien. Histoire de cœur perdu, histoire de cœur déçu, chanson d'amour sans plus de tous les jours. Histoire de deux enfants à l'école, des grands qui sur d'où vient le vent à leur dépens. Je te trouvais si belle, si belle, tu t'en souviens. Je t'appelle si belle, si belle. Chanson d'un soir d'été, quand il fait beau, rêver et voyager. Histoire de deux enfants qui avaient vu trop grand, qui avaient pris la vie pour une amie. Je te trouvais si belle, si belle. Je t'appelais si belle, si belle, tu aimais bien. Chanson de cœur perdu, chanson de cœur vaincu, histoire de rien, de tout, histoire de non. Chacun sa vie, ses pleurs, ses instants de. Moi je garde plein cœur, ma tristesse de cœur. Je te trouve si belle, si belle, tu t'en souviens. Je t'appelle si belle, si belle, tu aimes bien. Je te trouve.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et je vous laisse avec une des chansons de Melody Diz qui sera donc eh bien présente le vendredi prochain dans l'émission de Monica. Vendredi, donc en soirée à partir de 19h. Après la chanson donc de Mélise, eh bien je vous laisse avec Chantal Mène, suivi après de Marie Blanche. Il y a des millions de peut-être qui passent devant ta fenêtre. Quand ton regard dans le vague se perd, s'éloigne et divague. Il y a des millions de hélas, des phrases inefficaces, et la douleur laisse des traces dans le cœur et en surface. Personne ne connaît son heure, personne ne sait son avenir. Si les étoiles savaient parler, elles auraient tant à te dire. Tout se joue entre tes mains, les aléas, les issues. Tout se joue entre tes mains. Tout ce que t'avais pas prévu, tes désirs, tes dessins. Tout se joue entre tes mains. De raisons pour n'avoir aucune envie et laisser fuir les saisons, s'échapper les heures, la nuit. Il y a des millions de mots qui dansent dans ta tête et toi sans répit, sans repos, tu restes là muette. Personne ne connaît son heure. Personne ne sait son avenir. Si les étoiles savaient parler, elles auraient tant à te dire. Tout se joue entre tes mains, les aléas, les issues. Tout se joue entre tes mains. Tout ce que t'avais pas prévu, tes désirs, tes dessins, tout se joue entre tes mains. Tout se joue entre tes mains, les aléas, les issues. Tout se joue entre tes mains. Tout ce que t'avais pas prévu, tes désirs, tes dessins, tout se joue entre tes mains. Debout sous les éclats, sous les silences flous. J'ai traversé des ombres, des jours sans fin. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes en main. J'ai des cicatrices qui brillent comme des étoiles. Chaque échec gravé sur ma peau pâle. Le temps m'a appris à danser sous la pluie. Je suis de retour, prête à saisir ma vie. Je suis de retour. Laissé derrière les chaînes et les murs, les doutes, les ombres trop dures. Chaque battement de mon cœur est un tambour. Je suis ici, plus forte chaque jour. C'était fini, que j'étais passée. Mais les braises n'éteignent jamais la vérité. Mon nom résonne comme un écho dans l'air. Je suis de retour, prête à tout refaire. Ma lumière guidant mon cœur. sincère. Aimer. Le temps s'arrête, il me semble, quand tu es près de moi. Nos rires se ressemblent, je n'ai peur de rien avec toi. Je suis sûre. Je suis sur le point de m'envoler. Dans tes bras, je veux rester pour l'éternité. Pour l'éternité. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Si je pense à tout ça, aux nuits où rien ne va, je m'accroche à des mirages, des ombres dans le paysage. Le temps me glisse entre les doigts, des mots qu'on n'a pas. De couleur, mais jamais mes erreurs. Je cours après des rêves flous, mais la lumière reste loin de nous. Le passé danse dans mes heures. Chaque regard, chaque détour me rappelle ce manque d'amour. Je repeins des souvenirs en or, mais le vrai se cache encore sous les ruines de mes jours. Et si de je pense à tout ça. C'est une évidence. C'est le rêve. s'enfuit, s'envoie, mon cœur bat pour toi, toujours pour

again. Don't wait up for me. We don't spend time together like we used to. I'm tired of waking up in misery. When you love me just a little bit longer. When you hold me tight and don't let go. When you kiss me like there's no tomorrow. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et après le country, je vous laisse du côté du rock'n'roll et du pop rock. J'ai toujours tout donné. bonhommes et sans jamais en faire des tonnes. Comme je ne veux pas mourir idiot, je continue mon rocking stone. Comme je ne veux pas mourir idiot, je continue mon rocking stone. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et je vous laisse avec le yéyé suivi par le twist. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Dans le quartier, on dit que c'est une bombe. Une fille chouette, une vraie colombe. Toujours branchée, jamais à la traîne. Avec ses godasses. Sa frange de reine. Les mecs du coin se retournent en vitesse. Elle marche comme si tout était d'enfer, je te le confesse. C'est la nananette de la rue de la Roquette. Toujours fringuée, super chouette, elle met le quartier en fête. La nananette, avec son look qui pète. C'est un rayon de soleil qui jette un sort à tous les petits mecs du faubourg. Des artistes, un sourire canon, un style un peu twist. Elle claque la bise au vieux jukebox et lance un salut les potes comme une petite fox. Même les flics du coin perdent la tête quand passe la poupée d'enfer de la Roquette. C'est la Roquette, c'est la nananette de la rue de la Roquette. Toujours fringuée, super chouette, elle met le quartier en fête. La nananette, avec son look qui pète, c'est un rayon de soleil qui jette un sort à tous les petits mecs du faubourg. Oh dis donc nanette, quand tu débarques avec ton petit air craquant, y'a tout Paris qui déraille, c'est pas très légal tout ça. Le dimanche elle file en mob vers Bastille, son foulard au vent, sa jupe qui vrille. Tous les azous la suivent à la trace, bercée par l'odeur. Nanette arrive. Fais gaffe, mon petit. Je suis folle, c'est que j'aime trop les chansons. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Prenez le premier train qui vous fera danser. Prenez le locomotion. Invitez des copains qui savent bien twister. Allez danser, pousse le locomotion. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Chance n'est pas compliqué. Venez danser aux touches de locomotion, oh oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y. Venez danser pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît. Oh, oh, oh. Attention au départ, il faut vous dépêcher. Déjà trop tard, le train va démarrer. Venez danser, parce que le marche. Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser, tous de locomotion, oh oui. Vous amusez. Venez danser, tous de locomotion. En trouvant le garçon ou la fille qui vous plaît. Venez danser, tous de locomotion. Et quand le dernier train arrivera en gare, vous quittez les copains en leur disant bonsoir. Jusqu'à demain pour le locomotion. Oh oui. Venez, si vous avez un bon ticket, venez, alors venez. C'est très important, tu vas voir. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à faire tes devoirs. Tes leçons, pour un jour, elles attendront. Qu'est-ce qu'il prend, papa ? Si je veux danser le surf, veux-tu être mon professeur ? À mon âge, on gagne en prouvant qu'on peut se maintenir dans le vent. Quel âge as-tu ? 5 ans. Demain je vais chez les copains, aussi tu comprendras combien je suis ému car moi aussi, c'est ma première surprise partie. Non, si, croulant, j'ai honte, tu peux. Il faudrait que tu me mettes au pas, au dernier pas, mais l'inuit ça. J'ai appris la leçon de twist par Richard Anthony. Mais le temps de bien le savoir, c'était déjà fini. Ma folie, pendant un mois, fut louli-gouli. Cathy, fais-moi danser le surf. Tu auras un papa tout neuf. Un croulant que l'on peut sortir. Je te promets de t'obéir. Sûr ? Sûr. Prenons le plus lent, en claquant des doigts. Alors, fais comme moi. Bon, alors, je te suis, Cathy, on y va. Non, à droite. Non, à gauche. Tu crois? Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est dur. On n'a rien sans peine, monsieur. À gauche? Non, plié. Sûr? Discute pas. Ah, excuse-moi. Ok. 1, 2, 3. et 2 et 3. Et la barre piquée, comme mieux faire. 3. Tu vois, quand tu te donnes la peine. Ah, oh, c'est malin. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est danser le surf. Je vais avoir un succès bœuf. On voit bien que t'es dans les vapes. Ce que j'ai appris, c'est le snap. C'est un surflant alors? Pas du tout. Ah bon? 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Que je suis content, Cathy. Ah dis donc, ça y est, je sais danser le snap. Alors demain, le slop. Après-demain, le chèque, mais alors là, pour le jour, je suis tranquille. Hein. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ne cherche pas, t'en fais trop. Se regarder et leurs yeux brillaient très fort d'un amour sans nom, terrible et profond, comme l'eau qui dort, comme l'eau qui dort. Et le temps passait et ils souriaient sans se décider encore. Comme l'eau qui dort, comme l'eau qui dort. Elle savait déjà que cet amour-là devait les dévorer. Et lui savait bien que plus jamais rien ne pourrait changer. Ils ont échangé leur premier baiser, comme s'il buvait de l'or, cet or qu'il cachait sous leurs yeux baissés, comme l'eau qui dort, comme l'eau. Jusqu'à la mort, cet amour sans nom, terrible et profond, comme l'eau qui dort, comme l'eau qui dort, comme l'eau qui dort, comme Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Avant de continuer les chansons, voici donc eh bien, les émissions pour ce soir et ainsi pour demain mercredi. En soirée, vous allez retrouver à partir de 19h jusqu'à 21h Christophe et puis suivi d'un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Et puis ainsi pour demain mercredi, entre 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Victor. L'après-midi avec Gloria entre 14h et 16h. Et puis en soirée, entre 18h et 19h30, avec Violette. Et puis suivi avec Rui d'André entre 20h jusqu'à 23h. avec les chansons. Et puis comme au début à l'émission on a pu écouter le zouk, et bien je vous en laisse avec du zouk et puis juste après aussi le soul. Tell me how to make you realize. So now you be the reason. when it's strong man, they do totally, yeah. Jai, baby, waiting me the thing where you put for my body, yeah. Jai, it is that thing where they officially make me misbehave. Matter of control over a lot or a little, just keep in mind. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et donc, si vous prenez l'écoute, bienvenue à ton compagnie, Nicolas, jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons différentes. Écran en couleur, des mots envoyés d'un phare lointain, des mots d'amour soufflés de la main, et tous ces mots qui viennent du cœur sont là pour apaiser un souffle de douleur. Ils viennent se poser sur la peau comme l'oiseau chante le renou. Silence, oh, ciel de mon enfance, qu'il soit gris ou en violence, hey, t'en filer. temps semblait trop grand. On avait le ciel comparant. Il y avait des orages et des éclats de rire, des promesses que l'on croyait tenir. Oh, oh, oh, ciel de mon enfance qui brille encore quand tout bat. Marie-Claude, mais tout le monde m'appelle Marie, ou maman, ma petite Marie, ou même mamie. Je suis née dans un château, celui du Valas, mais mon enfance, ce n'était pas la vie de palace. De l'amour, une éducation et des punitions, papa, maman, grand-mère, Saint-Eustache, mais pas de lamentation. C'était un temps d'antan, remontons le temps. Il fallait travailler même à 14 ans. À la maison, ramener de l'argent, tous logés à la même enseigne, idem. Pour ma petite sœur Lucette, Joël, le petit dernier, saura y échapper. Pour un garçon, l'armée, puis s'émanciper. Moi, j'allais vendre des baguettes et des croissants aux clients, jouer à la marchande sous la. Autre temps, autre pratique, celle d'antan. La vie allait me réserver bien des surprises. Aucun souvenir dans mes pensées les plus anciennes de ce que je voulais, espérer, aspirer même. En toute franchise, je me laissais. Fallait charmer pour bon an, mal an, s'en aller de sa dot armée. Autre temps, autre pratique, celle d'antan. Mes yeux allaient croiser ceux d'un client récureux, un brin anodin, ce grand gaillard qui revenait m'acheter du pain. Il me reluquait même depuis le marchand de journaux d'à côté, quand ce n'était pas le bus qui le renversait de plein fouet. Tout ça pour observer sa petite boulangère. Et un jour, quelques pas jusqu'au bus, une première. La vie allait me réserver l'heure des surprises. Des épousailles, nos deux familles réunies. La belle famille, je devais apprivoiser à tout prix.

et les Mistral gagnants. Je fais des détours, ce soir j'oublie tout. Et quand

There must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Setters. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. There's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench these shatters. Les mains de ceux qui veulent parler. On va planer, jamais je ne laisserai faner cette fleur que nous avons plantée. La fleur de l'amour qui nous attend donné. Finalement, c'est pas une si bonne idée que ça d'aller à Las Vegas. La fille timide aux yeux bleus qui rougit un peu. La femme épanouie, fière comme un défi. C'est toujours l'éternel féminin qui me fait chanter mes couplets, mes refrains sont un hymne à la beauté. Ich liebe dich, I love you. D'ici d'ailleurs de n'importe où, je vous aime toutes, à tous sur ma route, mon cœur bat pour vous. C'est mon grand aveu, mon rêve infini, je veux vous aimer tout à la folie. Qu'importe l'endroit où l'on est, où vous êtes né, vos jours de regret, vos nuits de secret. Lorsque je chante, c'est vrai, prêt à chaque fois, c'est comme si j'allais vous serrer dans mes bras. D'ici d'ailleurs de n'importe où, je vous aime toutes, à tous sur ma route, mon cœur bat pour vous. C'est mon grand aveu, mon rêve infini, je veux vous aimer tout à la folie. I love you. D'ici d'ailleurs de n'importe où, je vous aime toutes, à tous sur ma route, mon cœur bat pour vous. C'est mon grand aveu, mon rêve infini, je veux vous aimer tout à la folie. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Et je vous laisse du côté du rétro, mais avant, ce sera musique de guitare. Si tout était écrit d'avance, depuis l'enfance, avant même la naissance. Expliquez-moi alors comment, oui comment, on finirait par un jugement. Sur nos actes dans nos vies, voir qui mériterait le paradis. Je vois déjà que les débats seront houleux et ennuyeux. Rien n'est écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Rien n'est écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Le jugement dernier, les deux à la fois, on verra bien. Je ne voudrais pas que les méchants, les violents, se défendre en disant que c'est Dieu le Tout-Puissant, délibérément, qu'il avait prévu qu'il serait méchant. Pour Dieu, ça serait embarrassant, ça l'obligerait à être clément. Au même titre que pour les gentils, même les ministres seraient ébahis. Écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Rien n'est écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Le jugement dernier, les deux à la fois, on verra bien. Vous imaginez le tohu-bohu, Dieu l'aura voulu, sur la place du grand jugement. Gentils qui montraient au créneau pour dire le mot sur la clémence du Tout-Puissant. Les méchants qui auraient le beau rôle, aux gentils ils diraient vous n'êtes pas drôle. Laissez-nous venir avec vous au paradis si vous êtes gentils. Rien n'est écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Rien n'est écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Le jugement dernier, les deux à la fois, on verra bien. Rien n'est écrit d'avance, ou il n'y aura pas. Le jugement dernier, les deux à la fois, on verra bien. Les deux à la fois, on verra bien. Les deux à la fois, vous avez la foi. We'll be right back. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est la folie à London. Et les Beatles chantent. Et les Beatles chantent. Servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, get around, get around. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je serais payé une guitare. Et Saint-Malo. Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient. Et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Tomorrow. sometime, like a storm wind, then we ring the freedom bell. Donc il est 16h42 minutes, et bien l'émission touche à sa fin. On va terminer l'émission avec un titre de Chris Adams, un ami. Voilà, donc bien voilà un de ses titres, et puis on se retrouve pour nous mardi prochain, et puis ainsi vendredi à partir de 13h30. Donc voilà, donc bien je vous dis bon tout ça ou tout. Quand ces pleurs me réveillent, si tu voyais ce que ces yeux me disent, ce regard bleu qui s'éclaire dans les yeux de mon fils, y a comme un arc-en-ciel, les larmes après la pluie sèchent avec le soleil dans les yeux de mon fils. C'est comme une étincelle, un peu comme si la vie devait être éternelle. Dans chaque instant, un souvenir s'écrit d'encre émotionnelle. Mon Dieu, comment je n'avais pas compris cet amour qui m'appelle. Dans mon enfance, on ne m'a pas appris le métier d'être père. Dans les yeux de mon fils, chaque instant me rappelle que l'histoire de sa vie sera aussi la mienne. De mon fils, cette chose essentielle que de donner la vie, c'était toucher le ciel.